Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, l'heure de notre escapade dans le monde de la science. Et on sait que la science est un vaste monde peuplé de biologistes, de physiciens, de chimistes, de botanistes, mais aussi de psychologues, d'archéologues, de linguistes et même de philosophes et bien d'autres savants et savantes. C'est un monde où il y a toujours de nouveaux horizons et territoires à explorer et Futur Simple s'y emploie depuis plus de 25 ans grâce à votre radio CKRL 89.1. Et voilà donc une bonne raison de soutenir CKRL 89.1 grâce au Radioton qui aura lieu les 26, 27 et 28 avril prochain. Et vous le savez, le Radioton, c'est un événement de financement majeur pour CKRL et l'objectif cette année est d'amasser 50 000 dollars. Et vous pouvez déjà y contribuer en faisant un don pré-Radioton à partir de 20 dollars et vous pourrez courir la chance de gagner le prix spécial pré-Radioton d'une valeur de 300 dollars qui inclut notamment un certificat de 150 dollars de la boutique Le Pédale. Alors tout ça, ça vaut bien le coup. Et tous les détails, bien sûr, sur le site de CKRL 89.1. Alors, où nous emmène notre escapade scientifique du jour? À 18h30, nous irons aux confins de la psychologie et de la politique avec Benoît Béchard. Il nous dira comment il étudie la psychologie de la décision politique à l'aide de jeux vidéo. Tout cela est bien mystérieux et vous saurez comment ça se passe à 18h30. Et pour le moment, nous allons faire un tour dans les méandres de notre cerveau avec Maxime Cussic. Maxime est étudiant au doctorat, en médecine moléculaire au laboratoire de Steve Lacroix à l'Université Laval et il nous parle ce soir de la santé durable en neurosciences, comment prendre soin de notre cerveau. Ça, c'est fort important de prendre soin de notre cerveau. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie. Alors Maxime, là, parlons de santé durable, mais en fait ça veut dire quoi santé durable? Qu'est-ce qu'on appelle la santé durable? Ok, ben dans le fond la santé durable, ça va beaucoup plus loin que juste ne pas être malade. Fait que oui, bien entendu, là, ça comprend de se tenir en bonne santé physique, en bonne santé mentale, mais ça prend en compte aussi tout ce qui nous entoure, donc tout notre environnement, la société dans laquelle on vit, puis ça va même au niveau là, de la planète, donc le climat dans lequel on se tient. Donc, s'assurer là, que tout ça soit favorable à ce qu'on soit en bonne santé. Donc, ça a autant là, un aspect individuel qu'un aspect qui va être collectif. Ça, c'est la définition là, que vous pouvez trouver si vous allez voir sur Wikipédia. Mais pour moi, la santé durable, c'est tout qu'est-ce qu'on peut faire, tout qu'est-ce qu'on fait pour essayer de prévenir puis traiter les maladies au sein de notre population. Fait que oui, je pense qu'on, en tant qu'individu, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer de pas tomber malade. Mais au-delà de ça, c'est aussi là, une responsabilité que les gouvernements puis les leaders là, d'entreprises multinationales ont pour s'assurer que la population soit en bonne santé. Puis dans le fond, j'ai pensé là, à cette conférence-là suite à, après avoir cité là, à l'excellente conférence du docteur Jean-Pierre Després, qui parlait, lui, de santé durable dans le contexte des maladies cardiovasculaires. On voit là aujourd'hui que les entreprises pharmaceutiques font toutes presser de nous proposer des pilules qui vont être miracles puis empêcher là, l'obésité. Mais c'est aussi là, quelque chose qu'on est capable d'éviter tant sur le plan personnel que sur le plan là, de tout ce qui nous entoure pour essayer d'être en meilleure santé. Puis, moi, je me suis dit, ben est-ce que ça a aussi un impact sur les maladies neurologiques? Par exemple, le Parkinson, on sait que la maladie, là, va se déclencher assez tardivement, mais est-ce que c'est plutôt le résultat de petites conséquences, là, de choses qui seraient possibles d'éviter dans notre société? Autrement dit, là, la santé durable, l'idée de la santé durable, c'est de prévenir au lieu de guérir. Donc, au lieu d'être de traiter la maladie, c'est de faire tout ce qui est en notre moyen, individuellement et collectivement, pour empêcher que la maladie ne se déclenche. Donc, c'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, comme le dit Jean-Pierre Després, que nous avons reçu d'ailleurs en ondes cet hiver. Et donc, c'est la même chose pour les maladies neurodégénératives. neurodégénérative. Mais et puis là, donc, Maxime, tu dis, il y a des événements qui peuvent éviter de déclencher plus tard la maladie, mais pour ça, il faut les connaître, ces éléments. Est-ce qu'on sait ce qui cause les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson que tu citais, justement? Dans le fond, c'est sûr que c'est là, souvent une maladie comme celle-là, il n'y a pas juste un facteur, souvent là, c'est un ensemble d'événements qui vont mener à la maladie, puis bien entendu, souvent c'est difficile là, de détecter des éléments clés. Bien entendu, on sait là, que plus la population est vieillissante, plus le risque d'avoir là, la maladie de Parkinson au sein de ces gens-là, ça devient élevé. Par contre, on sait que c'est pas juste à cause du vieillissement que les gens ont le Parkinson, parce que sinon tout le monde l'aurait un moment ou un autre. Fait que c'est sûr là, qu'il y a d'autres éléments qui viennent jouer en ligne de compte. Oui, il y a la génétique qui peut aider ou non certaines personnes, mais sinon, là, il y a aussi beaucoup de facteurs qui sont dans notre environnement. Par exemple, il y a des études qui ont démontré que la consommation de produits laitiers pouvait être associée à une plus grande incidence de la maladie de Parkinson. Ils ont vu, là, par exemple, que les gens qui prenaient beaucoup de produits laitiers, ça pouvait être associé à une perte de neurones au niveau du cerveau. Mais par contre, là, dans cette étude-là, ils ont aussi détecté un contaminant dans le lait. Donc, c'est peut-être pas juste des produits laitiers. Bien évidemment, là, le message que je veux transmettre, c'est pas de plus consommer de lait. Mais là, c'est un exemple de, des fois, il y a des choses qui se retrouvent dans l'alimentation qui devraient être là ou non, puis qui peuvent mener à cette maladie-là. Il y a aussi là, des observations similaires qui ont été faites au niveau des pesticides, dont le MPTP. Il y a des chercheurs français qui ont remarqué que les gens qui travaillaient justement dans des endroits là, agricoles, puis qui étaient exposés à ces pesticides-là, il y avait une incidence un peu plus élevée de Parkinson chez ces personnes-là. Fait qu'il y a aussi des choses dans notre environnement qu'on essaye des fois de ne pas être exposé, mais qu'on l'est quand même, puis parfois, ça peut amener là, à déclencher une maladie plus sévère. Et alors, pourquoi les pesticides ou les produits laitiers seraient des éléments qui favoriseraient la maladie de Parkinson? Est-ce qu'on le sait? Il y a des hypothèses qui ont été évoquées. Donc, bien entendu, tous ces éléments-là, les toxines qu'on prend, le tabac aussi là, est un exemple, ça peut aller affecter notre fameux microbiote intestinal dont on a parlé ensemble là, il y a quelques chroniques déjà. Puis, bien entendu, ça va pas, au début, quand on a, par exemple, une toxine, c'est en petite quantité, ça va pas générer un immense problème, tu sais, c'est pas de la fièvre, puis des gros effets, mais ça peut créer ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, ou low-grade inflammation, qu'on entend souvent là en science. Donc, c'est quoi le microbiote déjà? En temps normal, c'est des bactéries qui se retrouvent dans notre intestin, puis ces bactéries-là, pour nous, elles sont bonnes parce qu'elles vont nous aider à digérer des nutriments. Elles vont aussi générer une espèce de barrière qui contrôle qu'est-ce qui va entrer dans notre corps puis qu'est-ce qui en sort. Mais par contre, si on est exposé à des toxines, à des produits qui sont néfastes pour la santé, ça va venir là, modifier les bactéries qui sont là. Il y a des bactéries qui vont pas être contentes, il y en a qui vont mourir, il y en a peut-être des nouvelles qui vont rentrer puis qui vont être là, moins gentilles pour nous autres. Fait que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça peut créer des brèches dans l'intestin. Puis une fois que ça arrive, là, il y a des choses qui devraient pas être là, qui se mettent là à rentrer dans notre organisme. Donc des fois, c'est carrément des bactéries. Des fois, ça peut être justement ces fameuses toxines-là auxquelles on est exposé. D'autres fois, ça peut aussi être ce qu'on appelle là, en science des protéines qui vont venir rendre nos cellules plus agressives. Puis ça, quand ça arrive, une fois que nos cellules immunitaires, elles deviennent activées par toutes ces choses-là, ces mauvaises choses qui viennent rentrer, elles vont se mettre justement à être plus agressives, elles vont se mettre à adopter un phénotype qu'on appelle inflammatoire. Et à force que ça arrive, on s'entend là, c'est des choses qui se produisent sur plusieurs années. À force que ça arrive, ces cellules-là peuvent se déplacer au niveau du cerveau, puis se mettre à pénétrer à l'intérieur du système nerveux on fait rentrer des cellules agressives dans notre système nerveux, fait que là, nos neurones vont accumuler un stress, et ça, à très long terme, encore une fois, là, sur plusieurs années, vont se mettre à fonctionner incorrectement, puis c'est ce qui peut le mener à la maladie de Parkinson. OK, donc il y a une inflammation, si on résume, il y a comme une inflammation qui se produit du fait de certaines bactéries qu'on ne devrait pas avoir, qui sont là et qu'on ne devrait pas avoir. Et cette inflammation finit par se propager au cerveau et ce serait un des éléments qui pourrait déclencher ou aider à déclencher la maladie de Parkinson. Exactement. Donc, en d'autres termes, des bactéries qui ne devraient pas être là, on vient créer un stress là, au niveau de notre intestin. Il y a des toxines, des protéines, bref, plein de trucs qui se mettent à rentrer qui ne devraient pas. Puis justement, le feu pogne dans l'intestin, puis ces cellules-là finissent par aller au cerveau, puis reproduisent là, cette espèce de stress-là. D'accord. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir le Parkinson? J'espère que tu ne vas pas me dire qu'il ne faut plus manger de fromage. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est sûr qu'en ce moment, mettons d'abord, c'est très difficile d'avoir des thérapies pour traiter le Parkinson parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, bien souvent en neurosciences, quand on parle de maladies neurodégénératives, une fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, le dommage est fait. Puis en ce moment-là, la science est incapable de rattraper le dommage qui a été perdu au niveau du cerveau puis de la moelle épinière. Donc, tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est d'empêcher que les dommages se produisent davantage. Donc, il y a justement là, des équipes de recherche qui, je pense, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le Parkinson et prévenir d'autres maladies neurodégénératives. Puis, bien entendu, là, il y en a plusieurs qui se penchent sur le microbiote intestinal, puisque justement, on voit là, qu'il y aurait un lien entre ça puis les maladies neurologiques. Fait qu'il y a des équipes, par exemple, qui vont faire ce qu'on appelle des transplantations fécales. Donc, on prend, par exemple, une souris qui va être appelée à développer la maladie de Parkinson. On va retirer son microbiote, dans le fond, par forme de lavage ou autre, puis on va lui donner les selles d'une autre souris. Donc, la première souris va recevoir le microbiote d'une autre souris. Puis, à ce moment-là, les chercheurs ont pu démontrer que si une souris qui a le Parkinson reçoit le microbiote d'une souris qui est en santé, ça va limiter les effets négatifs du Parkinson au niveau des neurones. Fait que là, ils ont vu justement un avantage de ce niveau-là. Puis il y a d'autres équipes de recherche aussi qui sont capables d'identifier certaines souches de bactéries dans l'intestin des souris qui seraient positives. Puis ces équipes-là vont donner aux souris soit directement, regarde, on donne la souche de bactéries qui est bonne, soit on va donner des nutriments, une diète qui favorise que le fait que cette bactérie soit là, puis ces souris-là aussi, elles vont mieux se porter par rapport à des souris qu'on leur fait rien au niveau de la maladie de Parkinson. Mais là, ça, c'est bien d'un contexte de laboratoire parce qu'on sait quelle souris va être malade, puis quelle souris sera pas malade, mais chez les humains, c'est beaucoup plus difficile de dire « Ah, toi, dans 30 ans, tu vas avoir le Parkinson, toi, tu l'auras pas. » Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile là, encore chez l'humain de détecter. C'est quoi les bonnes bactéries qui nous protègent? C'est ça. Puis aussi, avoir un traitement préventif pour une maladie avec le microbiote, ça reste très difficile. Non seulement parce qu'on sait pas encore qu'est-ce qu'on veut, mais aussi parce que notre microbiote change au cours de notre vie. Quand on y pense juste aller une semaine dans le sud puis manger des aliments différents, notre microbiote va changer. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça l'est pas? C'est difficile à dire en ce moment. Puis aussi, essayer là, de mettre sur l'ensemble du Québec un traitement qui permet de déterminer, mettons, OK, telle personne doit avoir tel type de microbiote. C'est très difficile. Effectivement, parce que chacun, ce ne sera pas forcément le même cocktail de bactéries qu'il faudrait peut-être mettre à chacun en fonction des bactéries qu'on a déjà, nous. Exactement. Et puis, combien de temps avant un éventuel déclenchement de la maladie aussi? C'est ça aussi qu'on ne sait pas si c'est pour prévenir une maladie qui va se déclencher dans 20 ans ou dans 30 ans, mais en fait, on n'en sait rien. Donc, il faudrait faire ce pré-traitement-là combien de temps avant? Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, quand même, beaucoup d'inconnus. Exactement. Surtout que bien des gens ne développeront pas du tout la maladie. Exactement. Mais bon, je comprends que c'est une piste, en tout cas, qui est quand même intéressante à étudier. Et dis-moi, Maxime, est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres maladies neurodégénératives que le Parkinson? C'est sûr que oui. Dans le fond, moi ici, là, qu'est-ce que je voulais parler, c'est surtout l'inflammation de bas niveau. Donc oui, avoir des bactéries qui devraient pas être là dans notre microbiote, des bactéries là, qui viennent de nous donner du trouble, dans le fond, ça crée de l'inflammation de bas niveau. Une autre chose aussi qui donne de l'inflammation là, de bas niveau, c'est l'accumulation de graisse au niveau de la bédaine, donc ce qu'on appelle là, la bédaine de bière habituellement. Puis ça aussi, cette graisse-là, elle est mauvaise, donc elle va aussi générer une inflammation de bas grade. Puis ça, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, ça peut justement ça peut faciliter l'entrée de toxines, de protéines qu'on voudrait pas dans notre système nerveux central. Donc, notre cerveau, notre moelle épinière ont plus de difficultés à contrôler qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Puis ça aussi, ça va générer un stress là, sur nos neurones. Puis, justement, ils ont vu que cette graisse viscérale-là, ben, elle serait là associée à des mauvais pronostics, comme on appelle, par rapport au niveau de l'Alzheimer, puis aux AVC, aux ischémies cérébrales. Donc, plus qu'on a de cette mauvaise graisse-là, ben, plus que ces maladies-là ont une chance d'arriver. Puis, il y a même des études qui ont démontré que d'avoir une plus grande quantité là, de graisse abdominale, ben, peut même diminuer la taille du cerveau, puis diminuer les facultés cognitives par rapport là, aux personnes qui ont une plus petite quantité de graisse abdominale. Donc, oui, l'inflammation de bas grade générée par cela a des impacts sur plusieurs maladies neurologiques. Donc, finalement, ça veut dire que si on réduit la graisse viscérale, on réduit les facteurs de risque de plusieurs maladies, finalement. Exactement. Donc là, on parle vraiment de santé durable sur plusieurs maladies, donc c'est quand même intéressant. Donc tout ça, ça semble quand même assez compliqué, puis on peut se demander ce qu'on peut faire quand même en tant qu'individu. Ben oui, certainement, c'est l'objectif, c'est qu'on puisse faire quelque chose avec ça. Donc, en gros, le message que je voulais surtout passer, c'est que c'est important de réduire justement ce niveau d'inflammation-là. Tu sais, oui, l'inflammation, c'est important, on en a beaucoup parlé ensemble, que ça permettait de combattre les microbes, les virus, tout ça. Donc ça, c'est de l'inflammation qui a lieu d'être, mais on en veut quand même le moins possible. Fait que beaucoup d'inflammation qui est liée, par exemple, à des toxines dans l'environnement, à des consommations là, excessives d'alcool ou des consommations excessives de malbouffe, là, dans le fond, t'sais, ça peut justement avoir un rôle sur cette inflammation de bas grade-là, puis même si on s'entend, moi aussi j'en mange des patates frites, moi aussi des fois je prends une bière avec des amis, puis chaque événement comme isolé n'a pas un impact tant que ça, mais c'est quand qu'on les accumule, C'est ça. à long terme, leur effet va s'accumuler sur notre organisme, puis c'est à ce moment-là que les problèmes peuvent se déclarer. Donc oui, c'est important de prendre dans le fond là, tous ces trucs-là avec modération, mais ultimement essayer au jour le jour d'être le plus prudent qu'on est capable pour limiter. Qu'est-ce qui vient endommager notre corps dans le fond? Ça, c'est des choses qu'on peut faire nous individuellement, mais tu disais au tout début que finalement la santé durable, c'était ce qu'on pouvait faire individuellement, mais aussi collectivement. Donc, comment est-ce que la société devrait agir pour nous aider, nous individuellement, à prendre soin et à se mettre en mode santé durable? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu sais, oui, on entend souvent, ah, il faut manger mieux, il faut faire plus d'activités physiques, mais l'affaire, c'est que la réalité n'est pas simple pour tout le monde. Par exemple, oui, c'est facile de marcher pour aller au travail quand on habite à côté du travail, mais quand on n'a aucun réseau structurant, par exemple, pour se rendre à notre travail, ou si on aimerait ça prendre notre vélo, mais faudrait rouler 15 minutes sur l'autoroute, ben c'est pas des choses qui sont possibles. Ou encore là, quand on va au restaurant, puis on voit qu'un Pokéball santé avec avocat, c'est 20 $, puis un trio burger, c'est 5 $, ben souvent, des fois, le choix, il se fait plus au niveau monétaire, même si on se dit, ah, j'aurais aimé ça, mieux manger. Mais des fois, c'est pas tout le temps évident. Donc, c'est pour ça, je pense que. Puis même au niveau de la pollution, en fait, oui, on se force pour manger mieux, mais s'il y a plein de compagnies qui déversent dans le fleuve plein de déchets, puis dans l'air, il y a plein de toxines, ben au final, ça aussi, ça peut quand même causer là, cette fameuse inflammation-là qu'on veut éviter. Donc, oui, je pense que c'est important que les gouvernements, puis les leaders là, d'entreprise, tu sais, quand ils font, par exemple, un planning de ah, qu'est-ce qu'on va faire pour notre ville dans 10, dans 15 ans, mais s'assurer d'avoir en tête la santé durable aussi pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos citoyens à adopter des meilleures habitudes de vie. Puis si, moi, je pense que si les citoyens ont toutes là, les ressources entre leurs mains pour arriver à prendre des bonnes habitudes, bien souvent, ça pourrait aider là, beaucoup de gens, des fois, à faire juste des petits changements qui, ultimement, pourraient prévenir des maladies neurologiques, pourrait libérer de la place là, dans les hôpitaux, puis sauver des milliards de dollars en santé, et surtout, ben, peut-être sauver la vie là, de personnes qui ne développeront pas ces fameuses maladies-là. Donc, c'est sûr que la santé durable, ça a été c'est un domaine là, qui devient en plein essor. On parle peut-être depuis 20-30 dernières années, mais on se rend compte là, de plus en plus à quel point juste faire des petits gestes permet de prévenir des maladies auxquelles on n'a absolument aucun traitement. Donc là, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, à mon avis, dans les prochaines années. Ben, j'espère que les pouvoirs publics vont en prendre connaissance de ce concept de santé durable et mettre un peu plus de trottoirs à nos dispositions, un peu plus de... ben, c'est ça, pour marcher, il faut qu'il y ait des trottoirs, il y a des rues, il n'y a pas de trottoirs. Donc, mais un peu plus de pistes cyclables ou du moins plus attrayantes, parce qu'il ne faut pas juste qu'il y ait des trottoirs, il faut que ces trottoirs donnent envie de marcher aussi. Exactement. Et puis des endroits où on se sent en sécurité à faire du vélo sans être toujours en train de surveiller s'il n'y a pas une voiture qui nous roule dessus. Et puis peut-être ne pas mettre autant de malbouffe à notre disposition ou faire un meilleur équilibre aussi dans l'offre alimentaire. Donc beaucoup de choses que peuvent faire les gouvernements finalement pour nous aider nous-mêmes à prendre soin de notre santé de façon durable. Alors merci beaucoup Maxime, et finalement c'est un très bon complément à la conférence et au livre de Jean-Pierre Després. Alors, merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Valérie. Je rappelle que Maxime Cusic est étudiant au doctorat, étudiant en médecine moléculaire au laboratoire du professeur Steve Lacroix à l'Université Laval.